Écoutez et répétez les mots qui suivent. 1. Le son I. Ici. Ami. Liste. Édifice. Pile. Niveau. Partie. Crédit. Activité. Il imagine. 2. Le son est. Fait. Clé. Moitié. Déjà. École. Année. Égal. Résumé. Premier. Aéré. 3. Le son est. Espèce. Cèdre. Même. Fait. Prêt. Raison. Problème. Elle aimait. 4. Leçon A. Allez. Lac. Lame. Malade. Qualité. Avis. Date. Calme. Grave. Douane.